vaincu dans tous ces combats. Tu lui as donné ta vie, à elle aujourd'hui de faire comme toi. Attaquer à vous n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Votre souvenir nous honorera pour l'éternité. Désormais pour toi, elles tendent leurs bras droits. Emma Saint-Pierre, tes petites filles ont grandi. Désormais pour toi, elles tendent leurs bras gravée à tout jamais dans leur cœur. Auprès du peuple, elles récolteront les honneurs. Arrivera ce jour de victoire tant attendu. Leurs maris, nos enfants détruiront fièrement dans les rues. L'avenir de leurs rêves sera entre leurs mains. Alors tous les perpétueront nos idées et toutes les sous-races partiront fumer. Désormais pour toi, elles tendent leurs bras droits. Emma Saint-Pierre, tes petites filles ont grandi. Désormais pour toi, elles tendent leurs bras droits. Emma Saint-Pierre, tes petites filles ont grandi. Désormais pour toi, elles tendent leurs bras droits.